Bonjour, bienvenue sur Radio Fadjet. Partagez avec vous une démarche pédagogique et citoyenne vécue par des lycéens lors de cette année scolaire 2024-2025. C'est l'objectif d'une série de deux émissions. La première, que vous allez écouter maintenant, présentera l'ensemble de la démarche, alors que la deuxième reviendra sur quelques moments forts vécus par les élèves. Je suis Vincent Caillavé, je suis enseignant au lycée La Malgrange en Jarville. Je suis accompagné par 5 élèves de terminale qui vont vous présenter un bilan du projet d'histoire et de mémoire qu'ils ont mené pendant plusieurs mois dans le cadre de leur cours d'enseignement moral et civique. Pour commencer, je vous propose de vous présenter rapidement, s'il vous plaît. Qui veut commencer le tour de table ? Bonjour, je m'appelle César, j'ai 17 ans et je suis au lycée La Malgrange à Jarville avec les spécialités géopolitique et sciences économiques et sociales. Bonjour, je m'appelle Alexis, je suis également au terminal au lycée La Malgrange à Jarville. J'ai 18 ans et je fais également les spécialités géopolitiques et sciences économiques et sociales. Bonjour, je m'appelle Bejna Algul et je fais des spécialités géopolitiques et maths dans le lycée La Malgrange. Bonjour, je m'appelle Tara, je suis au lycée La Malgrange et je fais les spécialités maths et AGGSP. Bonjour, je m'appelle Kali, j'ai 18 ans et comme Tara et Bejna, je fais les spécialités maths et géopo. Merci. Pour organiser un petit peu la demi-heure qui vient, je vous propose dans une sorte d'introduction de présenter le projet de manière globale. Et puis dans une première partie, vous pourrez présenter votre travail de recherche historique. Et dans une deuxième partie, vous évoquerez votre implication dans les démarches mémorielles. Voilà pour le programme. Alors tout d'abord, dans quel cadre s'est déroulé le projet ? Qui veut commencer ? Tara ? Tout d'abord, nous avons fait des recherches sur la libération, donc en lien avec le CNRD, donc le concours national sur la résistance et la déportation. Nous avons aussi fait des recherches sur l'histoire locale. Le projet il a été mené par 3 classes du lycée La Malgrange et il a reçu le label de mission libération. Conscient de l'importance du devoir de mémoire, nous avons entrepris différentes démarches afin d'honorer les figures de la résistance et les victimes de la barbarie nazie. Et nous allons du coup les présenter aujourd'hui. Peut-être qu'on peut évoquer le cadre scolaire. Comment ça s'est passé ? C'était organisé comment, Alexis ? Alors, c'est un projet qui a eu lieu sur nos heures d'enseignement moral et civique. Donc, c'est des heures qu'on a une fois toutes les deux semaines. Et durant ces heures, on a essayé du coup de développer le projet, d'organiser des recherches, donc que ce soit aux archives de l'école ou aux archives départementales. Donc ça veut dire une heure tous les 15 jours, plus toutes les initiatives que vous avez pu prendre en dehors pour faire vivre le projet à votre façon. En fait, chacun des élèves faisait des choix pour s'engager et faire des démarches qui pouvaient l'intéresser. On peut peut-être présenter maintenant du coup la façon dont vous avez découvert le projet. Comment ça s'est passé au tout début d'année, César ? Sur la découverte du projet, alors on a déjà partagé un moment aux archives de l'école, de l'établissement, pour comprendre le rôle de l'établissement dans la libération et comment les étudiants ont pu vivre la libération. Sur Jarville, sur du coup, Jarville, dans votre lycée. Alors, il n'y a pas de rôle particulier joué par l'école sur la libération, oui, puisqu'elle est fermée à ce moment-là, mais c'était pour évoquer la façon dont les Jarvillois et peut-être des Malgrangiens ont pu parler de cette période. Est-ce que vous vous rappelez la façon dont le sujet vous a été présenté ? Vous êtes, par exemple, je crois qu'on vous a amené dans un coin de l'établissement où il y a une plaque mémorielle. Est-ce que, Tara, tu veux nous raconter ? Oui, il y a une plaque mémorielle où il y a 3 noms inscrits dessus. Pierre-Émile Feuerstoß, Gilbert Lamoise et Léon Stussmann. Ces 3 hommes qui se sont fait exécuter à La Malgrange. Et du coup, ça a été là le point de départ. Après, s'en est suivi des cérémonies qu'on a fait pour leur rendre hommage, etc., etc. En fait, ils ont été exécutés, vous vous rappelez la date ou pas ? Le 3 septembre 1944. Et en fait, cette exécution, au moment de la libération, elle fait partie de l'histoire de l'établissement, mais en même temps, c'est une histoire qui a été oubliée pendant un certain nombre d'années. Et la plaque mémorielle aujourd'hui, elle est là pour évoquer cette mémoire. Est-ce que vous connaissiez l'existence de cette plaque mémorielle avant de vous y rendre ? Non. Personne ? Si, moi j'en avais connaissance. Alexis. Oui, mais c'est parce que j'avais ma sœur qui avait participé au projet quelques années plus tôt pour mettre en place cette plaque. Et c'est pour ça que je connaissais un peu. Calixte ? Moi aussi, ma sœur avait participé. Du coup, j'étais au courant qu'en MC, elle avait fait des mêmes recherches pour connaître un peu plus ces trois hommes et donc réaliser cette plaque. Donc, lors de cette présentation, au début d'année, vous avez un petit peu pris le relais des élèves des années précédentes qui avaient déjà participé à la réflexion sur cette histoire locale et sur la mémoire de ces trois résistants. Dans ce projet, l'idée, c'était d'abord de vous faire expérimenter le travail de l'historien, de vous rendre acteur de la démarche historique, ce qu'on n'a finalement pas vraiment le temps de faire dans les cours d'histoire, hein, paradoxalement. Puisque le thème parlait de la période de la libération, et donc principalement de l'année 1944 à l'échelle locale, vous avez dû explorer plusieurs types d'archives. Est-ce que quelqu'un pourrait nous faire une petite liste des archives dans lesquelles les camarades de la classe ont cherché ? Calixte ? Par exemple, on a été dans les archives de l'école, donc comme Alexis l'avait évoqué. On a aussi pu aller dans les archives municipales de Nancy et de Lunéville, le service historique de la défense de Caen et aussi les archives départementales. Et par exemple, pour moi, j'ai aussi pu accéder aux archives de l'immédiat kiosque sur Internet pour avoir des articles de presse de l'époque en digital. Oui, la presse de la période de la guerre qui est numérisée et qui est disponible en ligne. Il y a aussi certains camarades qui ont cherché dans les archives familiales. Oui. Bejna ? Oui, nous, on s'est directement rendus au cimetière pour trouver la tombe de Pierre-Émile Feuerstoss. On a pu rencontrer la responsable des archives qui nous a un peu mieux éclairé sur la situation. En fait, il y a plein de démarches comme ça, d'initiatives qui ont été mises en œuvre par les élèves. Le SHD de Caen, c'est une petite histoire intéressante à raconter parce que, en fait, on sait depuis des années qu'il y a un dossier d'un des trois résistants qui a été exécuté en septembre 1944. Il y a un dossier qui est au SHD de Caen et qu'on n'avait pas récupéré les années précédentes. Et donc, il y a une élève de votre classe qui... parce qu'elle partait un week-end sur Caen, s'est organisée pour pouvoir aller récupérer le dossier. Donc c'est plein d'initiatives individuelles qui font qu'au final, on collecte des informations qu'on peut ensuite pouvoir partager pour essayer de raconter l'histoire. Donc là, on est bien dans la démarche historique. Est-ce que vous pouvez nous raconter, par exemple, en particulier vos recherches aux archives départementales, parce que vous avez été bien impliqué dans cette démarche-là. Comment ça s'est passé, César ? Nous sommes allés deux fois aux archives départementales. Tout d'abord, on a pris conscience des enjeux de cette période. Déjà, on a compris l'organisation de la résistance avec les différents maquis qui sont organisés dans la région, les forces françaises de l'intérieur qui s'y sont mis et disposées, et une structure presque administrative de la résistance qui s'est vraiment intensifiée pendant la période qu'on a notamment étudiée, c'était celle de août 1944 à Nancy. Et donc oui, on a vu les types d'actions des résistants et les spécificités de la région. Il y a eu plus de 90 actes de résistance qui ont été recensés en août 1944, donc rien que qu'en août, sur la région Lorraine, donc de Nancy et des Vosges notamment. Quand tu dis qu'ils ont été recensés, ça veut dire que c'est toi qui les as comptés d'après les rapports que tu as pu lire ? On a eu un rapport sur tous ces actes de résistance et on les a comptés effectivement. Il y a eu une fiche avec tous les actes qui étaient recensés. Oui, on a pu les compter, les dénombrer. Oui, c'était 90 actes de résistance. Donc ça, c'est les recherches que tu as menées. Toi, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe, la découverte des archives départementales, la mise en route du travail, en fait, Alexis ? Alors, d'abord, avant de se rendre aux archives départementales, il faut d'abord connaître ce qu'on veut chercher et les informations qu'on veut récupérer. Et donc, pour connaître ces informations, en fait, on les trouve dans des dossiers qu'il faut rechercher préalablement avant de se rendre à ces archives. Et donc, on a mené ce travail en amont, on a cherché les cotes, voilà, exactement. Et une fois la cote trouvée, donc, on se rend aux archives départementales, on fait notre carte je ne me rappelle plus exactement du nom, mais... De lecteur, voilà. Archives départementales, oui, parce qu'en fait, aucun d'entre vous n'était allé aux archives départementales avant. Non, là, c'est ça. Et donc, vous y êtes allé sur quel créneau ? C'était sur un créneau de cours ? Non. Non, c'était sur pendant des vacances où on s'est rendu du coup aux archives et où on a effectué ces recherches. Et du coup, dans ce dossier qu'on a trouvé. Alors déjà, comment vous avez été guidé dans les archives départementales? Parce que si c'est la première fois que vous y alliez, ça s'est passé comment? Vous avez cherché un peu au hasard? Vous avez posé des questions? Vous étiez... Allez, Tara. On vous a posé des questions à vous pour savoir comment ça allait se passer. Vous fallait qu'on se rende aussi parce qu'on ne savait pas c'était où. Et c'était surtout l'occasion de voir... on avait une nouvelle vision sur l'histoire parce qu'on avait des documents plus, plus réels. On était en relation directe un peu avec l'histoire. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as consulté, toi, comme type de document? C'était les communistes durant cette période. Il y avait beaucoup de rapports de police. La résistance communiste. Et il y avait beaucoup de rapports de police, des autres personnes qui faisaient, qui allaient par exemple manifester, qui étaient communistes, afin qu'ils puissent être sanctionnés, etc. Et donc, toi, tu as travaillé sur la même période, 1944, ou c'était plus vaste? Ouais, c'était 1943-1944. D'accord. Au niveau du travail, de la gestion des documents, vous êtes resté combien de temps sur votre liasse de documents? 4 heures, la première fois. Oui. On est resté plus de 4 heures, nous, parce qu'on y est retourné une autre fois, du coup une seconde fois, pour finir le dossier. Donc en tout, je dirais quoi, 5-6 heures, oui, on va dire. Vous preniez des notes, vous avez pris des photos, racontez-nous un petit peu comment ça se passe. Ouais. Oui, alors Alexis. On prenait en photo beaucoup de nombreux documents trouvés dans les dossiers. On prenait des notes également à propos de chaque document pour que ce soit plus facile après de faire des synthèses et de compléter le projet et les informations du projet. Et oui, donc on a pris beaucoup de photos. En tout, je dirais combien on a pris, plus d'une trentaine de photos sur le dossier, sur le premier dossier. Et voilà, on travaille à peu près comme ça. Dans la démarche de l'historien, il y a aussi le fait de consulter des ouvrages de référence. Vous avez été invité à lire des ouvrages de référence. Est-ce que l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous veut nous parler d'un livre qu'il aurait découvert cette année? Il y a le livre de Vivorca. C'est comme ça qu'on dit? Olivier Vivorca. Vivorca. Et du coup, ça m'a surtout aidé à préparer le CNRD. Donc ce livre, c'est « Histoire de la résistance ». En France. Et donc c'est un beau pavé hein, quand même. Oui. Ça englobe à partir de 1940 jusqu'à 1945. Et ça m'a surtout, comme j'ai dit, ça m'a surtout aidé à préparer le CNRD. Et ça m'a beaucoup servi. Toujours en lien avec la démarche historique, évidemment, quand c'est possible, pour les historiens, il y a une recherche de témoins de la période. Ça peut peut-être être intéressant à évoquer. Certains dans la classe sont partis à la rencontre de témoins. Qui nous explique ça? Calix, peut-être? Par exemple, il y avait Jacqueline Aubry qui était une résistante avec sa famille à cette époque qui ont recueilli un soldat américain. Et donc, des gens de ma classe et des gens de première sont allés faire une interview avec elle pendant quelques heures, je pense. Et... du coup, elle a pu nous raconter, leur raconter son histoire et comment elle avait vécu ça et ce que ça avait apporté pour sa vie et son futur, parce qu'elle était encore jeune à cette époque, du coup. Oui, elle avait 99 ans au moment de la rencontre qui a eu lieu au tout début de l'année 2025. C'est l'occasion aussi de évoquer ce témoignage, c'est aussi l'occasion de lui rendre hommage puisqu'elle est décédée depuis cette période-là. Donc effectivement, certains élèves ont pu la rencontrer et elle a raconté divers aspects de son vécu de la guerre, puisque d'un côté, elle était résistante, effectivement, elle a pu produire des faux certificats d'embauche, par exemple, dans une usine sur Jarville pour empêcher le départ de jeunes qui voulaient éviter le STO. Et puis, à côté de ça, après la libération, effectivement, elle a accueilli avec sa famille un Américain chez eux. Alors, ces deux démarches indépendantes, ça n'a rien à voir. Hein. Ce n'est pas un acte de résistance d'accueillir un Américain après la libération. Mais c'est quand même une expérience forte qu'elle a effectivement pu raconter. Dans les démarches, deux d'entre vous aussi ont participé à une rencontre avec un historien. Bejna, tu veux nous raconter? Ma camarade Tara et moi, on a participé le 3 mars à une conférence d'un historien nommé Guillaume Metz. Et donc, en fait, c'est le petit-fils d'un déporté à Gusen, qui est décédé donc à Mauthausen. Et donc, il a pu nous expliquer ses démarches pour retracer cette période de déportation dans ce village. En fait, il a écrit un livre suite à ses recherches. Hein. Ce livre, il est venu vous le présenter. C'était un livre sur... la rafle de Pexen. Sur la rafle de Pexen, oui, d'août 1944. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles sont les découvertes que vous avez faites à l'occasion de cette rencontre, soit sur son travail d'historien, soit sur le sujet en lui-même, Tara? Il nous a un peu plus présenté le métier d'historien, de comment ça se passait pour écrire un livre. Alors, ça t'a semblé exigeant, complexe? Oui, c'est très complexe et ça prend beaucoup, beaucoup de temps de déjà regrouper toutes les informations, après savoir lesquelles remettre, lesquelles un peu mettre de côté pour faire un livre. Et il nous a partagé un peu son métier, ses ressentis, etc. Et sa passion pour le sujet, puisque il a envie de faire vivre le projet sous plein de formes différentes. Mais je crois que surtout que même lui, il nous avait dit qu'il ne se considérait pas comme historien, mais plus passionné d'histoire. Donc ça montre bien la tâche qu'il a à son métier. Et à son sujet, oui. Son sujet. Et enfin, pour terminer sur la première partie, sur les démarches de recherche historique, qui avaient effectivement, vous en avez déjà un tout petit peu parlé, la réalisation d'une synthèse historique. Est-ce que quelqu'un veut nous raconter comment ça s'est passé? La découverte de l'exercice, le travail avec les sources, les réussites, les difficultés, qui se lance là-dedans? Oui, Alexis, vas-y. Donc du coup, oui, c'est ça, comme vous avez dit, on a fait une synthèse historique de l'ensemble de nos recherches. Donc tout d'abord, il fallait regrouper l'ensemble des documents qu'on a pu trouver, que ce soit aux archives départementales ou aux archives du lycée ou même aux archives en ligne. Et donc faire un choix parmi ces documents, parce qu'on ne peut pas prendre tous les documents, il y en a trop. Et aussi trouver une problématique générale afin de faire une synthèse cohérente et claire et qui puisse englober un sujet assez large quand même. Donc voilà, c'était moi personnellement... j'ai trouvé comme difficulté du coup de faire un choix parmi les documents, comme j'ai pu dire avant, parce qu'on avait énormément de documents, on a beaucoup de choix, et choisir les documents qu'il faut, et ceux importants, j'ai trouvé que c'était quand même assez compliqué. Oui, mesurer la pertinence d'un document pour raconter une période, c'était quoi finalement votre sujet, votre thématique à vous? Oui. Alors notre document qui s'appuyait du coup sur nos recherches aux archives, c'était la résistance en Lorraine durant l'été 1944, donc de juillet à août 1944. On s'est vraiment centré sur la résistance et sa répression par les forces nazies et le gouvernement de Vichy. Tara, toi aussi tu as fait un gros dossier de recherche? Oui, c'était du coup sur La résistance communiste. Après aussi, j'en avais fait un autre avec une autre de mes camarades sur les exactions commises avec les Américains. Comme par exemple, ils ont coupé les fils de communication aux Américains et Français. Du coup, j'en avais fait deux, mais moi, j'avais surtout fait sur la résistance communiste. Oui, parce qu'en fait, la libération, il y a une partie sur la période qui précède, les quelques jours ou les quelques semaines avant la libération. Et puis, il y a aussi... toute la période de la reconstruction, ce qui se passe après la libération, et là aussi les relations entre les Français et les Américains, il y avait beaucoup de choses à raconter. Comment vous avez réussi à gérer le fait d'introduire les sources dans votre texte, dans votre récit? Ça, c'est quelque chose que vous n'êtes pas forcément habitué à faire dans vos travaux, citer des sources. Oui, Tara. À la fin, on avait fait une page annexe où on avait mis du coup toutes les sources et même les photos, on les mettait surtout dans la page annexe. On mettait dans notre phrase, entre parenthèses, voire annexe, page, nanana. Et est-ce que le fait d'avoir lu le livre d'Olivier Vivorca dont tu nous as parlé tout à l'heure, ça t'a aidé à voir comment on pouvait faire une transition entre les phrases écrites par l'historien et les citations de différents documents? Tu t'es un peu appuyée là-dessus? Oui, un peu, mais après, je suis pas historienne, donc je suis pas aussi si forte que lui. Oui, l'objectif, c'était d'essayer de se mettre dans la démarche. Oui, surtout, c'était surtout ça. Mais oui, ça m'a aidé un petit peu quand même. Calix, est-ce que tu veux nous raconter la synthèse que tu as réalisée, toi? Moi, j'avais fait une synthèse sur les restrictions alimentaires et énergétiques après la libération. Donc, j'avais fait des recherches, donc, comme je l'ai dit, sur l'immédiat kiosque, sur la presse de l'époque. Donc, j'avais appris beaucoup de choses parce que j'étais pas très renseignée sur ça, donc avec les tickets de rationnement, etc. Les tickets de rationnement qui ont perduré longtemps après la guerre, ça c'était une découverte pour toi? Oui. Et du coup, je trouvais ça intéressant. Ma synthèse, j'étais pas très fière, mais au moins ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur ça. Et même si. Tu penses que tu aurais pu la développer un petit peu plus? Oui. Dans les restrictions, en plus des tickets de rationnement, t'as d'autres exemples qui t'ont marqué? Il y avait aussi la lumière, par exemple, ils ne pouvaient pas avoir leur lumière de maison exposée, allumée la nuit pour pas que les Allemands bombardent les villes qu'ils survolaient avec leurs avions. Et j'étais pas au courant non plus, donc je trouvais ça un peu compliqué, même après la guerre, qu'ils doivent continuer de se cacher à cause des Allemands et des bombardiers. Eh bien, on va pouvoir passer à la deuxième partie rapidement sur les démarches mémorielles que vous avez vécues. Par quoi vous voulez commencer? Peut-être la cérémonie mémorielle du début d'année, Tara? Oui, donc le 21 septembre, nous avons fait une cérémonie mémorielle, surtout pour rendre hommage aux trois résistants exécutés à la Malgrange, donc comme dit précédemment Léon Stuzman, Gilbert Lamoise et Pierre-Émile Feuillère-Stoss. Donc à cette occasion, nous avons présenté leur parcours, revenant sur leurs engagements, leurs sacrifices dans la lutte contre l'occupant nazi. En parallèle, nous avons accompagné plusieurs groupes dans un parcours mémoire visant à sensibiliser chacun à ses destins donc brisés et au courage de ceux qui ont refusé de plier face à l'oppression. Lors de la cérémonie, nous avons lu un texte en hommage aux victimes et on a accompagné plusieurs autorités dans le dépôt d'une gerbe. Donc c'est un geste symbolique pour perpétuer leurs souvenirs et rappeler que leur combat il ne doit pas être oublié. Oui, il y avait plusieurs, tu parles des autorités, il y avait des représentants d'associations, il y avait le souvenir français. Oui, il y avait aussi le député. Stéphane Ablo. Effectivement, il y avait des représentants de la mairie de Jarville, il y avait évidemment les autorités de l'école. Donc il y avait beaucoup de monde, il y avait les porte-drapeaux aussi. Vous connaissiez, vous aviez déjà participé à des séries mémorielles auparavant? Oui. Oui, moi aussi j'y avais déjà participé. Est-ce que il y avait d'autres propositions de cérémonies mémorielles dans l'année, mais je ne sais pas si vous y êtes allé, Tara? Personnellement j'ai assisté à la cérémonie du 26 janvier à la synagogue pour commémorer les 80 ans de la libération des camps de concentration. Et surtout pour évoquer les noms de tous les lancéens qui ont été déportés. Oui. Et pour leur rendre hommage. Et du coup, il y a un des noms parmi les déportés qui a résonné peut-être un peu particulièrement pour vous, puisque c'est le nom d'un ancien élève de la Malgrange qui a été déporté. Et c'est un de vos camarades de première qui a lu son nom pendant la cérémonie mémorielle. Donc ça, c'était un premier aspect des démarches mémorielles. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ces cérémonies. Il y a eu d'autres démarches mémorielles dans votre travail. Est-ce qu'on peut parler du CNRD un petit peu, rapidement, savoir comment ça s'est passé? C'est le concours national de la résistance et de la déportation. Oui. Du coup, quand vous nous avez présenté ce concours, vous nous avez proposé de lire notamment la brochure du CNRD, donc qui nous a beaucoup aidé pour comprendre... donc l'ensemble du sujet de ce concours. Et donc il nous a beaucoup aidé pour nous préparer à ce concours. Mais on a également pu aussi prendre toutes les informations qu'on a pu récolter lors de nos recherches annexes. Et Tara, tu veux compléter? Du coup, ça se découpait en deux exercices, donc une dissertation et une étude de documents. Et ce qui était bien, c'est qu'on pouvait aussi s'appuyer, comme il l'a dit Alexis, sur les recherches qu'on avait faites, parce qu'on pouvait rajouter... du local surtout, parce que c'était corrigé par Académie, on pouvait rajouter. Oui, vous avez pu utiliser votre travail de recherche pour nourrir un petit peu votre réflexion. Oui, c'est ça. Et félicitations Tara, puisque tu as été primée. Merci. lors de ce concours. Dans les démarches mémorielles, il y en a une qui est intéressante, mais qu'il faudrait présenter aussi rapidement. Bejna, c'est sur la recherche de la localisation de la tombe de Pierre Feuillère-Stoss, tu nous en as parlé tout à l'heure, un résistant exécuté en septembre 1944. Et en fait, le Souvenir français recherche à localiser les tombes des morts pour la France. Tu peux nous raconter un petit peu Comment ça s'est passé? Quelles difficultés vous avez pu rencontrer? Comme je l'ai dit auparavant, Pierre-Émile Fersteau, c'est une personne qui est un résistant qui est mort pour la France lors de la libération. Et en fait, le problème qui est posé, c'est que sur sa tombe, qui est localisée au cimetière du Sud, donc à Nancy, il est inscrit que c'est une victime, alors que une victime civile, qu'il est mort pour la France. Exactement. Et donc Tara et mes deux autres camarades, nous sommes rendus au cimetière du Sud pour localiser sa tombe. Cependant, plusieurs recherches menées sur plusieurs jours, on n'a pas réussi à la retrouver. Et on s'est donc rebattu sur la responsable des archives qui nous a expliqué que sa tombe avait été déplacée du carré militaire, parce qu'on l'a cherchée au carré militaire, dans un caveau familial. Exactement. Ouais. Et, vous ne l'avez pas trouvée. Donc nous, on est allé le chercher donc dans ce même cimetière parce qu'elle nous a donné des indications pour retrouver la tombe. Cependant, on n'a pas pu retrouver. Vous avez parlé au tout début, et on va s'arrêter assez rapidement là-dessus. Hein. Pour conclure, vous nous avez parlé au début du passage de relais, du fait que vous aviez récupéré des démarches initiées par des élèves avant vous. Il y a encore visiblement beaucoup de choses à faire puisque toutes les démarches n'ont pas abouti. Est-ce que quelqu'un veut faire une petite conclusion dans les quelques secondes qui restent pour nous dire un petit peu son ressenti global sur le projet? Oui, Alexis. Pour finir, oui, on peut dire que c'est un projet qui a été pour tous, je pense, très enrichissant, qui nous a appris beaucoup de choses. Du coup, même si Calix et moi, on connaissait déjà un petit peu le projet via notre famille, ça nous a quand même permis de découvrir la démarche d'historien, de découvrir ces trois fusillés qu'on a cités précédemment. Et oui, c'est un travail qui a été très intéressant et qui est encore à compléter à l'avenir. Eh bien, merci à tous. Dans une deuxième émission, nous entendrons des élèves de première nous raconter à leur tour les moments forts de ce projet. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.